Eh bien, bonsoir et bienvenue à l'émission Chérie m'écoutes-tu? Pour une raison que j'ignore, le titre ne semble pas vouloir jouer ce soir, alors je vais m'introduire moi-même sans musique de fond. Alors, bienvenue à l'émission Chérie m'écoutes-tu? Et ce soir, nous aurons droit à plusieurs artistes, notamment ce soir, nous allons écouter ensemble David Marin, Mara Tremblay, Blonde Redhead et Tokyo Police Club. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir à l'émission Chérie m'écoutes-tu? Vous êtes en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h ce soir et je suis très excitée de reprendre la programmation régulière, car comme vous le savez, la semaine dernière, nous avions droit à un spécial suisse en compagnie d'une de mes amies, Rosine Catherine Jaudoin. Et la semaine précédente, malheureusement, une grippe me tenait à la maison. Alors, je suis vraiment heureuse de revenir avec une programmation régulière afin de vous faire découvrir des artistes variés de tout genre, de style de tout genre. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec une de mes découvertes de l'année, je dirais depuis 2009. J'ai entendu ça un peu régulièrement à mes oreilles. Il s'agit de Lucien Midnight avec la pièce Majordome de son album Champion des choses en bois. Alors on va écouter ça tout de suite sans plus tarder sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Base de contrôle au Majordome. Base de contrôle au Majordome. Ton casque de poêle. Passe de contrôle au Majordome. J'commence le countdown, pace la clutch. Check ton starter, pis que le bon Dieu souhaite ton bas. Au Majordome, tu fais vraiment l'affaire. Les journaux font juste parler de toi à TV. Pis tout le monde veut savoir si t'as le goût de sauter. Majordome appelle la base de contrôle. J'passe au travers de la porte. J'me sens flotter d'une manière un peu fuckée. Les étoiles sont belles, tu sais, j'suis ben basé. J'suis assis dans une boîte en fer blanc. Loin au-dessus de vous autres, la planète Terre est bleue. Qu'est-ce que tu veux que ça me collisse? J'suis à des années-lumière de la Terre. En calvaire, j'pense que j'vais rester ici pour le restant de ma vie. Dites à ma blonde que je l'aimais en hostie. We have a report from a flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at. Checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Prochaine station, c'est fou 89.1. J'ai attendu de sa main pour que tu appelles enfin. êtes assez fou. 89.1 FM. On vient d'entendre David Marin avec la pièce Pour un 10 de son album De l'autre bord de la traque, paru en mars 2008. David Marin, qui est auteur, compositeur, interprète originaire de Drummondville, et c'est son premier et unique album à ce jour. Et avant ça, dans ce bloc folk, on avait Carl-Éric Hudon avec la pièce Lanterne chinoise de l'album Hudon Placard, paru en 2007, qui est enfin un projet effectué en duo avec Danny Placard, et ils se partagent les pièces sur ce disque-là. Et avant cet album-là, en fait, Carl-Éric Hudon avait sorti son premier album intitulé « Les tempêtes qu'on avale », paru en 2005, et son plus récent album s'intitule « Contre le tien, Anana Bongo Love », et il est paru le 27 janvier 2009, donc fraîchement sur les tablettes des disquaires. Et au début du bloc, on avait Lucien Midnight avec la pièce « Majordome » de son album « Champion des choses en bois », et il s'agit, vous l'aurez sûrement remarqué, d'une version française assez approximative de la pièce populaire Space Oddity de David Bowie. Alors, c'est ce qui complète ce bloc folk. Et on va se diriger dans un bloc plus rock, Tout d'abord avec la formation montréalaise Moussette. On écoute ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou. Sans peur.

C'était la formation canadienne Tokyo Police Club avec la pièce Citizen of Tomorrow de leur album A Lesson in Crime, paru en avril 2006. Et c'est une formation canadienne originaire de l'Ontario, fondée en 2005. Et c'est une formation qui, pour l'instant, pour ma part, est très agréable à découvrir. C'est vraiment très bon ce que j'entends. Pour l'instant, j'ai hâte de découvrir un deuxième album, qui sait peut-être bientôt. Et tout juste avant, dans ce bloc rock, nous avions Bivouac avec la pièce Hostie de Saint-Bordel, avec la pièce Le synopsis de notre histoire. Et c'est leur premier album complet qui a été réalisé notamment par Danny Placard. Et au début du bloc, nous avions la formation montréalaise Moussette avec la pièce Roche brune de leur album Reste en lumière, qui est en fait leur troisième album paru en 2007. Et il me semble que cette formation est plutôt méconnue. Oserais-je dire, après un troisième album, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce groupe-là. Et j'aime bien ce qu'ils font tout de même. Je dirais pas que c'est mon groupe préféré, mais je trouve que c'est quand même bien ce qu'ils font. C'est dans le rock québécois, j'apprécie fortement. Alors, on va se quitter le temps d'une courte pause et je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces qui jouent ce soir à l'émission sur le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/cfouchéri, C-F-O-U-C-H-E-R-I, sans accent. Alors, on se quitte pour une courte pause et au retour, nous aurons droit à un bloc électro, notamment avec Mara Tremblay. Alors, on écoute ça au retour sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou. Il y a dans ma tête comme une voix qui s'entête à me dire que toi, t'es ma fête. Et dans mon silence, je pense au chemin, à cette voix qui nous unit pour une fois, pour une vie. Et dans ce silence, je danse. Quand on est dans le grand amour, à chaque jour que ton amour est sans détour un trésor rempli de lumière se libère et les étoiles et le matin et le mirage d'être bien et la mélodie du bonheur. entendre la pièce Be the One de la formation de Ting Tings avec, en fait, de leur album We Started Nothing, paru en mai 2008. Il s'agit d'un duo anglais d'indie pop fondé en 2006 et ils ont connu un succès, dis-je, particulier en Angleterre avec leur premier album, qui est celui-ci, en fait, qui est leur seul et unique album à ce jour. Et la chanteuse Lady Hawk, qu'on a déjà fait jouer à l'émission, les supporte de façon ouverte et elle envoie même à ses fans des courriels pour annoncer leur tournée. Et tout juste avant, on avait Mara Tremblay avec la pièce Le Printemps des Amants de son quatrième et dernier album Tu m'intimides. Et en fait, c'est le quatrième album de Mara Tremblay après 10 ans de carrière, elle qui a commencé sa carrière en 99. Et je dois dire que cet album-là est une très belle découverte pour moi depuis le début de l'année 2009, surtout du côté francophone québécois. Donc Mara Tremblay qui est une auteure-compositrice-interprète originaire de la Côte-Nord ayant grandi à Montréal. Et son dernier album, justement celui-ci, est vraiment plus vivant que celui qui le précédait, c'est-à-dire Les Nouvelles Lunes, qui était plutôt tranquille, ambiant, mais qui était quand même très agréable à l'écoute. Mais je crois que Mara Tremblay va peut-être même gagner de nouveaux adeptes avec l'album Tu m'intimides, puisqu'il y a des sons plus électro, plus rock, vraiment un nouveau son pour Mara Tremblay. Et c'est en plein dans mes cordes. Moi, j'adore cet album-là. C'est un album puissant, intense, et j'adore également les paroles. Alors, je crois que je n'ai rien à dire de plus pour vous convaincre de l'écouter. Et au début du bloc, nous avions la formation CSS qui reprenait la pièce Knife de la formation Grizzly Bear, qui est une formation indie rock originaire de New York. Et cette pièce-là se retrouve originalement sur leur album Yellow House, mais vous pouvez retrouver cette version remixée sur leur maxi intitulé Friend. Et le chanteur de Grizzly Bear, Daniel Rawson, est également membre du duo américain, également new-yorkais, Department of Eagle. Et pour Grizzly Bear, on peut attendre un album qui est prévu pour l'instant pour mai 2009 et qui s'intitulera Victimist. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais en fait, c'est ça, cet album-là va s'intituler Victimist. Alors, on va poursuivre dans un bloc plus indie, plus ambiant. Tout d'abord avec la formation montréalaise de Bessnar Lake. Et on écoute ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. 89.1. Vous êtes assez fou. La pièce Shame de PG Harvey de son album You Who Her, son 6e album paru en 2004. PG Harvey, qui est une auteure, compositrice, interprète britannique de rock alternatif. Et on attend un nouvel album de sa part cette année qui est prévu pour 2009. On ne sait pas encore quel mois, qui va s'intituler A Woman, A Man Walked By. Alors, on attend ça impatiemment. Tout juste avant, on avait Blonde Redhead avec la pièce Misery is a Butterfly de l'album du même nom. Et c'est un trio new-yorkais qui ont présentement cet album en carrière. Et cette pièce figure notamment sur la trame sonore du film québécois Tout est parfait, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez toujours pas vu, qui est un film réalisé par Yves-Christian Fournier et écrit par Guillaume Vigneault, qui est également écrivain. Et au début du bloc, nous avions la formation montréalaise d'Indie Rock, The Best Narlakes, avec la pièce You've Got to Be a Star de leur album intitulé Volume 1. Et ce groupe que j'ai découvert lors d'un concert de la formation montréalaise The Deers, et ils assuraient en fait la première partie, et je suis vraiment tombée sous le charme de ce groupe, aux saveurs un peu psychédéliques, ambiantes et aux pièces atmosphériques. Et ils ont un album également qui est sorti en 2007 qui s'intitule The Best Narlakes Are the Black Horse, mais que je n'ai toujours pas écouté et je vais faire ça prochainement. Et l'émission se termine déjà, alors restez à l'écoute pour le voyage insolite qui suivra tout de suite après. C'est Sophie Laforêt qui a passé la soirée avec vous, en fait, de 18h à 19h, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h également pour une autre heure de musique variée. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter la liste des pièces qui ont passé à l'émission ce soir sur le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/c'est fou chérie. Et on va se quitter avec une dernière pièce, soit une pièce du duo canadien Tegan and Sarah avec la pièce Walking with a Ghost, qui a notamment été reprise par la formation qui est sur le bout de ma langue, The White Stripes, comment les oublier. Alors cette formation a également repris cette pièce-là qu'on va entendre à l'instant. Alors c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind.